Je n'attends rien, j'ai tout le temps. De quoi conclure d'autres mystères, d'autres regards, d'autres instants. Rien pour moi n'est une simple affaire. S'il faut des preuves, je suis confiant. J'ai déjà marqué les frontières, j'ai les moyens pour le moment. De quoi sortir sans trop m'en faire. Je passe le temps. Je m'écrase comme une mouche sur le béton de tes préceptes. J'apprends que plus rien ne te touche. Une si belle barrière de prétexte. On se déchire quand on est proche. C'est une excuse et c'est ton concept. Derrière le mur de ta conscience se cachent tes peurs et tes complexes. Tes doutes et tes reproches. Je préfère en rire. Mais je préfère.